SOS Violence Conjugale, bonjour. Je vous écoute. J'ai 65 ans. Je veux que la vie soit normale. Mon fils a de sérieux problèmes avec sa femme qui bat. Je me sens prisonnière de chez moi. Plus que d'habitude, je ne travaille pas. J'ai un mari qui a des problèmes avec l'alcool et avec moi. Ce ne sont pas des violences conjugales, mais la suite. Pour mon mari, le fils a pris le relais. Live écoute d'Alice Buteau, épisode 5. Mais tu vois, ça s'est terminé comme ça, et puis voilà, c'est la vie, hein. Et toi alors, avec, comment il s'appelle déjà le flic, Pierre, ça va? Non, vraiment, il est gentil, tendre, très, comment dire, un peu mou? Ah non, pas du tout. Non, il est simple et direct, et je trouve pas le mot un peu animal. Il est con. Je sais pas, c'est tout nouveau. Bon, je le connais pas. Mais il est très différent des hommes que je fréquente d'habitude. Et ça, c'est très intéressant. Que je fréquente. Je me sens pas mal quand je le vois. Il me dit que je lui plais et ça me plaît. Et toi, il te plaît? Oui. Je viens de te le dire. Ça me fait quand même bizarre d'être avec un flic. Moi, j'ai été avec un CRS une fois. Il voulait qu'on continue, j'ai pas pu. Il avait les mains tellement moites. J'avais jamais vu des mains aussi moites. Ça m'a bloquée. Il y a juste une chose. Quoi? Il a, un rapport étrange aux victimes. Bon, enfin, c'est l'impression qu'il m'a donnée, mais je me trompe peut-être. Développe. On a eu une discussion sur les femmes qui venaient porter plainte pour des violences au commissariat. Et je l'ai trouvé très dur. Il avait l'air en colère. Contre elles? Oui. Il disait que de toute façon, dans la majorité des cas, elles retirent leurs plaintes. Et bon, qu'elles lui font perdre son temps. Ah, oui. Mais bon, il a beaucoup d'empathie pour les souris. Bonjour, SOS Violence Conjugale, je vous écoute. Allô? SOS Violence Conjugale, je vous écoute. Raccrochez. Des sociologues américains se sont rendus compte qu'il y avait un pic de violence conjugale pendant les périodes de championnat de football. Parce que les maris sont furieux quand leur équipe perd. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais non, c'est tout le contraire, ils battent leurs femmes quand leur équipe gagne. Ah bon? Oui, de joie. Comme un moyen d'exprimer leur joie? Oui, j'imagine. Non, mais attends, c'est pas possible. Bonjour, SOS Violence Conjugale, je vous écoute. Allô? Bonjour. Bonjour. Voilà, mon mari est très doux en société et très dur avec moi. C'est comme si c'était deux personnes. Tout le monde l'apprécie, il est très aimable, beaucoup plus que moi. Quand on est chez des amis ou dans la famille, son travail aussi, il est très apprécié. Mais dès qu'on est tous les deux à la maison, il devient quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Oui. Continuez, je vous écoute. Ça me fait du bien. Parce que je ne peux en parler à personne. Personne ne me croirait. Il est tellement apprécié. Il me fait peur. J'ai beaucoup de mal à respirer quand il est là. J'ai peur de dire ou de faire quelque chose qui pourrait le mettre en colère. Je vis tétanisée, en fait. Je m'en rends même plus vraiment compte. C'est comme si c'était un état naturel ou une seconde peau. Et il n'y a pas que ça. Moi, je ne sais pas si je peux en parler. Ça me gêne. Vous pouvez parler de tout. Merci. Il est à la fois tellement imprévisible et il peut être violent. Quand il a bu, bien sûr. Et souvent, il n'y a pas vraiment de préliminaire, vous voyez. Il me force à... Ou il me prend par surprise. Nous vivons ensemble, nous ne sommes pas mariés, mais il m'oblige. Votre conjoint vous oblige à coucher avec lui? Oui. Il s'agit d'un viol, vous savez. C'est un crime. Et le fait qu'il soit votre concubin est reconnu comme une circonstance aggravante. Je me suis habituée, je me suis résignée, je crois. Non, pas complètement, puisque vous nous appelez aujourd'hui. Peut-être. C'est comme s'il me haïssait à travers moi toutes les femmes. Comme s'il vengeait tous les hommes. Pardon? C'est comme s'il me haïssait à travers moi toutes les femmes. Comme s'il vengeait tous les hommes. Mildred, c'est toi ? C'est toi ? C'est Liv ? Je sais que c'est toi, Liv. Mais c'est une plaisanterie. Pourquoi ? Parce que je disparais chaque jour un peu plus derrière la vie des apparences. Parce que je ne sais pas vers qui me tourner et où aller. Où es-tu ? Je viens. Ça fait 45 ans que je vis avec une personne qui a de l'emprise sur moi. Mon mari m'a coupé les cheveux pendant la nuit. Mon mari a toujours été violent et maintenant mes enfants me crachent dessus. Je vous appelle parce que je sais plus comment penser. Mon mari me fait dormir par terre depuis 17 ans. Mon mari s'amuse à me donner des petits coups sur la tête. Mon mari me bat pour rien. Mon mari frappe et frappe les enfants comme des adultes. Je n'ai pas beaucoup d'éléments à avoir de plus en plus peur. Car avant il serait belle, je suis chez moi dans l'affaire. Il y a des problèmes avec la vie. C'était Liv Écoute, d'Alice Buteau. Avec Marie Dompnier, Liv, Françoise Cousin, la collègue, Florence Janas, Mildred. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Bastien Varigaud, Yannick Magnien. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Avec des extraits de « Je suis complètement battue » d'Éléonore Mercier, paru aux éditions POL.